Bon allez, let's go. 3, 2, 1. Random. Contre-culture hacker. Big Image. Liberté numérique. Société de l'information. Casse-gorge sur deux. De 19h à 20h. Sur Radio Campus. Sur Saucisse Pois Chiche FM. Saucisse Pois Chiche FM. Sur Radio Campus. 106,6 MHz. Saucisse Pois Chiche FM. Un dimanche sur deux. Bidouillage. Ni filtrage, ni censure, nous voulons le net, libre et ouvert. Hack, actualité, de 19h à 20h, un dimanche sur deux. Random, sur Radio Campus. Random, c'est pas une bonne idée. Si quelqu'un d'autre veut le faire, veut le faire. Bonsoir à toutes et à tous, Random 34, de 19h à 20h, un dimanche sur deux, l'émission du groupe Dégénéré Sciences Lille. Et donc, on va démarrer sur les chapeaux de roue cette 34e émission, avec Little Charlie. Bonsoir. Avec Le Grus. Bonsoir. Et avec Mad Martigan à la technique. Et moi, il n'y a personne pour me présenter. Et donc avec Decerebrine pour animer l'émission. Georges anime, bien sûr. Et donc en fait, la technique est en vacances, hein, donc elle est partie au ski. Et donc en fait, comme d'habitude, hein, dans un premier temps, ça sera l'actualité, donc divisée en plusieurs rubriques. La rubrique d'actualité locale, où on parlera des satellites, c'est vachement local comme truc. L'actualité du logiciel libre, où on parlera codec libre, parce qu'il faut bien en parler un tout petit peu. L'actualité du milieu hacker, où on parlera du STIC, qui se passera à Rennes, c'est au mois de mai, je crois, le STIC, je sais plus. On parlera également d'une bactérie hacker, hein, ça m'a fait rire. On parlera du Braise Entropy Congress. Acteur ou actrice? Actrice. Bien sûr. On parlera du magazine électronique Underground Rafale. On parlera également du magazine électronique Frac, le mythique magazine par des hackers pour des hackers depuis 1985. Dans la rubrique censure, filtrage d'internet et neutralité des réseaux, on vous fera lecture du communiqué qu'a publié le groupe Dégénéré Sciences Lille la semaine dernière concernant le vote de l'ignoble loi LOPSI. On vous parlera de l'ARCEP, on vous parlera de pédopornographie, parce que bon, après tout, tant qu'on peut encore en parler à la radio, parlons-en. On vous parlera dans notre petite rubrique de notre culture, c'est la vôtre, on vous donnera quelques chiffres sur l'humanité. Vous savez combien d'humains vont mourir dans l'hiver nucléaire et dans la fin du monde prévue par les Mayas en 2012. Comme quoi, si Sarko est réélu, il durera pas longtemps. Au moins ça. C'est fait. Et puis on parlera un petit peu du joyeux monde de l'infosec avec le concours Pun to Own. Et puis dans la rubrique N'ayez pas peur, faites-nous confiance, on parlera d'amalgame sur le mouvement hacker comme d'habitude, et on parlera de ce gouvernement qui décidément n'a jamais les bons copains. Il était copain avec Kadhafi, on voit ce que ça donne. Mam était copine avec Ben Ali. Et à la fin de l'émission, à 20h, vous aurez la possibilité d'écouter M. Nicolas Sarkozy, M. le Président, annoncer un remaniement ministériel. Et aussi sa sympathie pour Steve Ballmer. Et Steve Ballmer, donc... Il sera pas ici, hein, je précise, parce que la façon dont tu l'as dit, ça pouvait laisser croire qu'il était ici avec nous et qu'il parlera après, mais non. Quoi, Sarkozy? Si, il est ici. Ici? Ah merde. Tu l'as pas vu? Non. Non, bon. Il est peut-être derrière le bureau. Il est au bar. Il est caché derrière le bar de campus. On aura un superbe dossier sur l'obsolescence programmée. De moi. De lui. Un petit nouveau dans l'équipe, c'est cool. Et puis à la fin, on fera un petit agenda, le tout entrecoupé de musique libre, C'est-à-dire de musique qu'on peut télécharger, qu'on peut redistribuer, qu'on peut copier, comme nous le faisons depuis un an et demi. Passer de la musique libre, pas la copier. Enfin si. Bah, les deux. Même. Les deux. Je vous propose de commencer par l'actu locale. Ah oui, alors le satellite. En fait, je pensais qu'on n'allait pas en parler. Parce que, comme on n'a pas eu le temps de se voir, c'est parce que c'est une vieille news en fait. Bah et alors, je m'en fous, je veux le savoir moi. Non, voilà, c'était juste en fait. Peut-être remplacé par la news un peu politique, vu que c'est un peu une période politique. Ah merde, c'est con, j'avais commencé. C'est pas grave. Sur, sur les Verts donc, qui soutiennent M. Kiquet et M. Planck. Sur les RFID, l'utilisation des RFID par Transpol et par la municipalité comme une technologie en fait pour retracer toutes les actions. Là, il y a eu quelques sorties de la presse, d'après ce que j'ai compris, puisque le lancement de cette technologie pour Transpol commence à avancer. Oui, il est prévu pour la fin de l'année 2011, hein, a priori. Hein. On sera tous fichés et pucés d'ici la fin 2011 dans le métro, dans les bibliothèques, dans les cantines et un peu partout. C'est génial. Ouais. Il faudra encore qu'on nous explique en quoi l'utilisation d'une technologie par radiofréquence par rapport à une technologie optique des lecteurs de code-barres ou pistes magnétiques, pourquoi on n'a pas privilégié cette piste-là. Alors, j'ai une réponse. Et... à ta question, c'est uniquement parce que ça va être utilisé par des enfants et qu'il faut bien leur faire comprendre à tous ces chiards que, dès le berceau, ils doivent être traités comme du bétail, donc on utilise les RFID qui sont une technologie qui sert essentiellement à marquer du bétail. C'est la mairie socialiste de Lille qui dit ça. Et les Verts qui soutiennent le projet. Ouais, elle est belle la gauche. Bon, du coup, on passe peut-être aux actualités des logiciels libres. Ouais, alors normalement on avait des jingles pour tous ces trucs-là, une époque. Ouais, mais là la technique elle est... En vacances. Ouais, en vacances, c'est le ski. Alors, actualité du logiciel libre, j'ai entendu, c'est ça? Exactement, tout et t'as fait. Pas de jingle pour ce truc-là. Si, mais... D'accord. Qu'est-ce qui se passe? La MPEG se prépare à attaquer en fait Google pour son VP8. Pour le WebM. Donc un petit rappel historique. Hein. La W3C n'avait pas pris de décision sur un standard dans les balises HTML5, donc pour imposer un format vidéo dans l'HTML5. Elle n'avait pas pris de décision parce qu'il y avait peut-être un conflit d'intérêts entre le W3C et le H264, le consortium, où il y avait plusieurs acteurs majeurs des deux groupes, qui faisaient partie des deux groupes. Et ensuite, Google a racheté le VP8 pour le libérer et faire son WebM. Voilà. Vas-y. C'était juste pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui ne comprennent pas forcément ce que c'est qu'un codec. Le codec. Non, mais ceux qui ne savent pas ce que c'est un codec, ils écoutent la semaine prochaine les codecs, nous. Bah, c'était justement pour signaler que c'était déjà passé le sujet du codec, que c'était très bien expliqué. Il y a une ou deux émissions sur les codes GNU. Les codes GNU 9 ou un truc comme ça. Ouais. Et donc c'est disponible en podcast. Sur le site de Ch'tinux, www.ch'tinux.org. Donc voilà, et donc ça c'était pour ce qui s'était passé. Et la news c'est quoi? En fait, le consortium MPEG appelle ses membres, donc Microsoft, Apple et bien d'autres, à jeter un œil en fait dans leurs archives pour se former un espèce de portefeuille de brevets parce qu'ils se préparent à attaquer en fait Google et son VP8. Donc avec un ultimatum, donc c'est le 18 mars. Donc après cette date, je pense qu'on va peut-être assister à une petite guéguerre juridique entre la MPEG, donc représentée par certainement Microsoft, Apple et tous leurs copains et copines, et Google. Donc on verra si Google réussit à défendre son WebM, le VP8, réussit à le garder libre, parce qu'il est libre pour l'instant. Il me semble que de mémoire, il n'y a pas eu trop de soucis pour le lancement du Hog, et il y a même Samsung qui l'a équipé sur ses baladeurs. Ça me paraîtrait vraiment bizarre que le VP8 soit victime de brevets. Alors c'est quoi la différence entre Hog Theora, qui était candidat pour le HTML5, il me semble? Et VP8. Le problème du Théora, c'est bêtement en fait que c'est un codec vidéo qui est très peu performant. Et, ouais, c'est un truc du GNU, quoi. Non, c'est un projet de codec qui a été fait sans prendre en compte des avancées au niveau de la compression. D'accord. Et le VP8, c'est un codec qui est au niveau du MP4, au niveau compression. D'accord. Donc du coup, c'est déjà nettement plus performant. Et c'est aussi pour ça qu'il est attaqué, parce que si Google avait fait du Octeora, qui est largement loin derrière les autres technologies, le MPEG LA aurait jamais attaqué le codec. Ça rejoint un petit peu le dossier dont on a parlé tout à l'heure sur l'obsolescence programmée. En fait, on essaye de flinguer un format qui est meilleur. Ce sera un concurrent en fait. Ce sera un concurrent du AG164. Donc d'accord. Les sociétés qui sont impliquées dans l'AG164 n'ont pas trop envie que le VP8 soit libéré. Donc ça tient plus du maintien de monopole en place, ouais, voilà, c'est que réellement de l'obsolescence. Mais derrière aussi, on peut faire un parallèle avec l'obsolescence programmée. Quand on nous a vendu des VHS, puis donc des magnétoscopes, puis on nous a vendu des lecteurs DVD en nous disant le MPEG-2 c'est bien, etc. Et là, maintenant on nous dit le MPEG-2 c'est naze, et on passe au MPEG-4. Le fait d'avoir des standards pas évolutifs. Des standards pas évolutifs, des standards surtout propriétaires. Force à changer de machine souvent. Voilà. Ouais, voilà. Un standard ouvert permet quand même de pouvoir quand même lire le truc, même si quelques années plus tard il n'existe plus de matériel. On a toujours les normes et on peut toujours refaire un matériel qui n'existait pas, qui n'existe plus. Ok, bon. L'actu du milieu hacker ? Du milieu hacker ? Avec le jingle qui va ? Ah ouais, mais là je suis à la rue. D'accord, ok, donc pas les jingles qui va. Non, c'est bien. Donc, actualité du milieu hacker. Le programme du STIC 2011 a été dévoilé. Donc le STIC, c'est le symposium sur la sécurité des technologies de l'information et de la communication. C'est un truc qui se passe à Rennes depuis 2004. Bon, c'est un gros truc de white hat avec un comité de rédaction, un comité de sélection des confs issus principalement de ADS, de France Télécom Recherche et Développement, bref, des super boîtes très funky. J'ai été surpris un petit peu de retrouver Caroline Fontaine, une enseignante que j'ai pas eu en cours à Lille 1, mais qui était enseignante à Lille 1, ma première année de fac, ça remonte à loin. Et donc voilà. Et donc le programme de cette année a été dévoilé. Moi je l'ai trouvé un petit peu soft. Peut-être la concurrence du Hackito Ergo Sum, qui va se passer un peu avant et qui est autrement alléchant et qui en plus se passe à Paris et pas chez des Bretons. Et donc au menu, des choses très intéressantes quand même. On a de la construction de Rainbow Tables par méthode statistique. Ça ce serait pour éviter de générer inutilement de gros volumes de données. Hein. Donc, voilà, au lieu de faire d'énormes Rainbow Tables qui servent à rien, on génère en sélectionnant un petit peu par méthode statistique. Du fuzzing de cartes à puces, de l'expérimentation autour du concept de détection d'intrusion pour application web, donc là dans le cas précis c'est du Ruby on Rails. Et puis notre Stéphane Bortsmeyer national, qui lui se posera la question de la possibilité ou pas d'éteindre Internet. On parle beaucoup du kill switch, notamment du kill switch égyptien, du blackout internet complet pendant 4 jours en Égypte, pendant les événements qui ont mené à la victoire du peuple contre le dictateur Moubarak. Et puis donc il y a quand même un programme assez intéressant. Pour l'instant, il n'y a pas plus d'infos sur le tarif, etc., sur la billetterie du STIC, mais voilà, c'est un événement intéressant. C'est à mon tour, je crois. À mon tour. Avec la bactérie, c'est ça ? Ouais, la bactérie, tout à fait. Pour parler biohacking. Je suis pas dedans, je suis désolé. Pour faire plaisir aux copains du Templab. Voilà. Donc, j'ai tombé sur un petit article qui disait « Un hacker de la Listeria reprogramme les cellules ». Donc, c'est des chercheurs de l'Institut Pasteur, de l'INRIA, donc Institut National de la Recherche et de l'Agroalimentaire, de l'INSERM, Institut National de la Santé et de la Recherche médical, et du CNRS, Centre National de Recherche Scientifique. Donc il y a du monde autour du microscope quand même. Voilà. Donc en fait, ils ont mis pour la première fois en évidence comment la bactérie pathogène Listeria monocytogène, responsable de la listériose chez l'humain, reprogramme à son avantage l'expression des gènes dans les cellules qu'elle infecte. Donc elle fait carrément du détournement, elle prend une cellule qui est... les défenses immunitaires, donc les cellules qui sont censées défendre, et elle les reprogramme en fait pour faire des copines. Bref. En fait, elle agit directement sur le noyau, elle injecte une protéine pour faire péter les verrous de la cellule et la reprogrammer en fait. Donc ils sont pas encore tout à fait sûrs de comment elle procède, mais apparemment ce serait une enzyme qui sera injectée, enfin bref, voilà, c'est le détail. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire que le hack est dans la nature un peu, et dans la nature humaine. Ouh là là. Non, voilà, c'était une petite news rigolote, un petit peu décalée, mais bon, elle m'a fait sourire. Ouais, donc sur le hacking de cellules par des bactéries. Une petite news qui n'est pas super plaisante à annoncer, mais bon, hein, à Radio Campus et à Random, on prend tous les risques. Le Braise Entropy Congress 2011, dont on avait annoncé l'imminence qui était prévue à la base pour fin mai. On en avait parlé dans la dernière émission de Random, si mes souvenirs sont bons. L'une des personnes de l'organisation a déclaré cette semaine, je cite, « On espérait pouvoir organiser un Braise Entropy Congress numéro 2 en mai. Toutefois, on a rencontré pas mal de soucis, principalement pour obtenir des salles adaptées. Du coup, le Braise Entropy Congress est reporté à une date ultérieure, vraisemblablement vers la rentrée de septembre, le temps de faire les choses bien et de ne pas courir après des deadlines de moins en moins tenables. » Donc voilà, on souhaite bonne chance au Braise Entropy Congress. C'était un événement auquel Little Charlie était l'an passé. Et il en avait dit que du bien. Ouais, c'était. Ça touchait vraiment à tous les sujets. Ça allait de l'électronique libre, de tout ce qui est alimentaire, de la musique. Il y a eu. Du lockpicking, crochetage de serrure. Bref, c'était vraiment très intéressant. Donc, un événement qu'on suit et on salue au passage les personnes, les vaillantes personnes de l'organisation qui scoltinent les discussions avec la fac en parallèle de la création du Braise Entropy Lab qu'on espère pouvoir aller voir un jour. Et qu'on espère que les Rennais puissent un jour venir voir le localhost à Lille. Ce serait bien aussi. Sans transition, l'appel à contribution pour le 15e numéro du magazine électronique Rafale. Donc, comme d'habitude, la ligne éditoriale tourne autour du bidouillage électronique, du freaking old school, du lockpicking, donc du crochetage de serrure, de l'exploration urbaine et plus généralement des arts urbains. Toutes les infos sont sur www.rafale.org. L'équipe de Rafale cherche en particulier des rapports d'exploration urbaine, des textes sur l'aménagement de squats, du hacking d'équipements infrarouges, des articles de ghost traveling, donc du voyage anonyme, des documentations sur la fabrication artisanale d'outils de lockpicking. Ça, et enfin facile. Ouais si, mais si. Quoi, lime à ongles et balai d'essuie-glace, ça marche très bien. Ouais, faut parler plus proche du micro sinon les gens t'entendent de loin et ça fait pas bien. C'est entre guillemets facile, mais encore faut-il le faire, c'est tout un art quand même. C'est de l'artisanat, n'est-ce pas ? Première entreprise de France. Et enfin, des articles documentant les fréquences radio de matériel de sécurité. Tout ça, c'est des choses qui ont déjà été discutées dans le magazine, mais bon, pour lesquelles on aimerait bien avoir de nouveaux articles un petit peu pour continuer sur ces séries-là. Alors, un autre truc, toujours en rayon appel à contribution pour des magazines électroniques underground hackers. On était complètement passé à côté, donc désolé pour le retard. Le Fragstaff a publié son appel à contribution. C'était au mois de décembre dernier, c'était le 15 décembre, je crois. Pour le 68e numéro du mythique magazine électronique Frac. Donc on rappelle, Frac, magazine électronique international de langue anglaise, qui existe depuis 1985 ou 84. Et qui est juste une espèce de bible pour le mouvement hacker et l'un des piliers historiques du mouvement hacker international. Alors cette fois-ci, la date limite est fixée au dimanche 15 mai. On verra de combien de mois elle sera repoussée, puisque traditionnellement, les deadlines sont rarement tenues, et pas que chez Frag d'ailleurs. Et bah donc voilà, détail intéressant, ça m'a fait bien marrer. Le Fragstaff signale avoir reçu des complaintes sur le manque d'articles sur Java. Et des plaintes .NET. Ouais, des plaintes, ouais. Enfin, des plaintes, des gens qui pleurent. Non, sur le, non, c'est quand même énorme. Sur le manque d'articles sur Java, sur .NET et sur le hacking de Microsoft, enfin de Mozilla Firefox. Oula, là, le lapsus, il craint. Ouais, ouais, Microsoft Firefox, c'est un peu... Non, j'ai pas le droit de dire ça. Tristan Nito va venir me taper. Non, personne va venir te taper. Il y a intérêt. Non, c'est free. C'est quand même rigolo, quoi, dans Frac, avoir du Java et du .NET. Moi, je suis pas sûr que ça manque, mais bon, pourquoi pas. Et puis, bah, signaler que du côté du projet de traduction, donc Frac.fr, ça avance pas super vite, mais ça avance un petit peu. Et je rappelle que toute aide est bienvenue. Petite pause musicale. Petite pause musicale, il est 19h20, vous écoutez Radio Campus. C'est Random, numéro 34, jusqu'à 20h, et tout va bien. Bonjour les gars, je m'appelle Matt Martigan. Random. Faut arrêter, c'est trop risqué. C'est pas vrai. Et alors? C'est fini, je raccroche. Non, fais pas ça. C'est pas une bonne idée. Pas bonne du tout. C'est pas lui qui décide. Aucune importance. Est-ce que tu défies mon autorité? Oui. Le NKM, c'est la deuxième fois qu'elle craque son slip, là, quand même. C'est pas possible, on a de la chance. Non. Radio Campus Lille. Le coin est dangereux. Aucune importance. Arrêtez-vous! Qu'est-ce qui se passe? Il a un gland dans la main! Tu dis ça à chaque fois. Tu vois ce gland? Un dimanche sur deux de 19h à 20h sur Radio Campus 106,6 MHz. Retour dans les studios de Radio Campus. Donc voilà, c'était Computer Trucks. Le titre c'est Rhythmics Suck My Dicks et pas My Dick. Et donc Computer Trucks, ils seront là à la soirée Electro 8 bits dans le cadre de la fête de l'animation 2011. On le répétera dans l'agenda tout à l'heure, mais ce sera le vendredi 18 mars 2011 de 23h à 4h du matin. L'année dernière, on y était, on avait découvert le label, enfin le web label d'Earth It Records. On avait vu ce taré de Hit Rabbit et c'était vachement bien. Et donc on espère que cette année, ça sera aussi bien. On enchaîne sur la rubrique censure, filtrage d'internet censure, et neutralité censure, des réseaux. Censure, filtrage d'internet. Filtrage d'internet. Et neutralité des réseaux. Neutralité des réseaux. Neutralité des réseaux. Et bien sûr, là j'annonce le truc et lui me met le jingle dans la tête. Bah, depuis tout à l'heure, tu me les réclames. Là, je fais un effort. T'es jamais content. Donc, on avait annoncé il y a deux semaines que la LOPCI a été votée en commission mixte paritaire. Donc, un petit arrangement entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Le groupe des Générations Lille a donc publié un communiqué la semaine dernière pour exprimer un petit peu sa position là-dessus. Je vais vous en faire lecture immédiatement. Il s'intitule « L'OPCI, non à la censure d'Internet ». Le mardi 8 février 2011, les deux assemblées législatives françaises ont fait du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, l'OPCI, une réalité. Au nom de la lutte contre la pédopornographie, l'article 4 de cette loi instaure la mise en place d'une infrastructure technique de censure des ressources internet consultables depuis le territoire français. Ce sera une liste noire non publique, maintenue sans le moindre contrôle judiciaire par l'obscur Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, donc l'OCLCTIC, dont les membres ont donc désormais tout pouvoir pour décider a priori si le peuple peut ou ne peut pas accéder à un contenu quelconque, sans même que ce contenu soit déclaré illégal. Monsieur Éric Besson, actuel ministre de l'économie numérique, tristement connu pour sa politique raciste et xénophobe qu'il a fait appliquer lorsqu'il était ministre de l'immigration et de l'identité nationale, va donc pouvoir silencieusement censurer Wikileaks et rendre inutile son hébergement sur le sol national, comme il en a publiquement annoncé en avoir la volonté. Brice Hortefeux, actuel ministre de l'Intérieur, entre parenthèses, il ne le sera plus dans quelques minutes, à cause du remaniement ministériel, pourra quant à lui réaliser son souhait de censurer Indymedia et d'autres plateformes de libre expression selon son humeur du moment, et ce sans contrôle démocratique et sans avoir besoin d'en référer à un tribunal impartial et compétent. Techniquement, une telle mesure relève néanmoins de la gageure, car aucune des solutions possibles n'est viable. Elles sont soit beaucoup trop coûteuses pour les opérateurs de réseau, c'est le cas du filtrage BGP, soit complètement inefficaces, ça c'est le cas du filtrage DNS. Moralement, elle ouvre la voie à toutes les dérives constatées dans tous les pays ayant suivi cette voie. Censure de l'encyclopédie Wikipédia, censure d'opposition politique, censure des plateformes de discussion lors de mouvements sociaux. Politiquement, elle démontre la volonté de construire ce fameux « Internet civilisé », entre guillemets, qui est le leitmotiv systématiquement invoqué pour tenter de faire croire que ce formidable outil de savoir, de culture et d'information serait une régression de la démocratie qu'il s'agirait d'aseptiser et de pacifier. L'impact de cette loi sera nul pour la pédopornographie, puisque cette dernière est l'apanage de vastes réseaux mafieux qui disposent de grands moyens pour assurer la furtivité de leur trafic et de leurs infrastructures. Cette loi inutile ne cache donc pas le fait que ce gouvernement ne fait strictement rien pour lutter réellement contre la pédopornographie. Il censure Internet au lieu de traquer les flux financiers. Sur le peuple, cette loi n'aura qu'un effet superficiel, car les solutions de contournement existent déjà, notamment les réseaux privés et sécurisés basés à l'étranger, ainsi que les diverses techniques d'anonymat existantes depuis longtemps. La preuve en a encore été apportée par les récents événements survenus dans le monde arabe, et qui continuent à se produire dans cette vaste partie du monde. Par contre, le véritable impact de cette loi portera sur la vie démocratique. Chaque citoyen, chaque citoyenne de ce pays devra apprendre à vivre avec la censure. Cette épée de Damoclès pèsera dorénavant sur chaque débat et sur chaque discussion. La police pourra directement faire disparaître tout contenu lui semblant inapproprié sans avoir de compte à rendre sur cette nouvelle prérogative, dans l'impunité la plus stricte. Le groupe des Générations Lille souhaite donc bonne chance à ce gouvernement pour la réalisation de son fantasme sécuritaire. Il mettra des années à mettre en place son infrastructure de surveillance et de censure pour se rendre compte qu'il aura perdu son temps à chasser des chimères, alors que de notre côté nous sommes déjà organisés pour maintenir notre libre accès à Internet. Aux citoyennes et aux citoyens, nous voulons rappeler que le discours de la peur, aussi persuasif qu'il puisse sembler être, n'a d'effet qu'auprès de celles et ceux qui y croient. Nous croyons à la liberté, non à la peur. C'est donc signé du groupe des Générations Lille en février 2011. On précise que le soutien au gouvernement est à prendre au second degré. Oui, parce que oui, c'est pas tout à fait la... C'est une tournure tout à fait Oui, c'est vrai que c'est ça, c'est vrai que bon, c'est vrai qu'on ne discute qu'une partie de la loi. T'as peut-être bien un bon argument là-dessus. Bah donc voilà, donc c'était le communiqué qu'on avait donc adressé, qu'on avait adressé à ce niveau-là. Pouf pouf pouf sur l'ARCEP. Allez, Charlie. Ouais, alors rapidement, parce que sinon on n'aura pas le temps de traiter le sujet. Ouais, donc sur l'ARCEP, y a juste que on voulait mettre un commissaire du gouvernement à l'ARCEP, parce que l'ARCEP fait n'importe quoi et suit pas la politique du gouvernement. Donc l'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des télécoms, qui normalement devrait être la plus indépendante possible et vraiment faire appliquer le droit et défendre les utilisateurs de réseaux, utilisateurs et utilisatrices de réseaux de télécommunications. Tu veux dire le fameux code des postes et télécommunications, oui, qui est jamais appliqué et que Orange fait ce qu'il veut et Bouygues fait ce qu'il veut. Donc voilà, exactement. Et donc là, comme il y a eu quand même de la part de l'ARCEP des bonnes décisions qui ont été prises sur l'entrée d'un nouvel acteur sur le réseau, sur la neutralité du net, le lancement de débats, ça commençait à faire un peu tâche et donc on a voulu mettre un commissaire. Mais heureusement, ça n'a pas été retenu et ça ne sera pas appliqué. Donc l'ARCEP reste indépendante. À peu près. Elle sert toujours à rien, mais elle est indépendante. Voilà. Ok. Sur la pédopornographie, quelqu'un avait lu l'article ou pas du tout ? Du tout. Du tout. Y a eu une frappe de l'administration US contre la pédopornographie avec quelques dégâts collatéraux. D'un article qu'on mettra en lien dans le truc. Juste pour finir un petit peu, juste une petite news rigolote, comment se faire effacer son compte par Facebook. Vous savez, Facebook, le truc qui soi-disant sert aux gens à se libérer de leurs dictateurs nationaux, hein. Facebook vire des comptes, tout bêtement, parce que quelqu'un a mis en photo de profil le tableau de Courbet qui s'appelle L'origine du monde, et qui montre un sexe féminin dénudé. C'est un célèbre tableau qui est vraiment une grande, grande œuvre du patrimoine mondial, et qui est exposé au musée d'Orsay à Paris. Et voilà, on met un tableau un peu choquant. Choquant. Pour l'époque, il était très choquant. À l'époque, ouais. C'est-à-dire que Facebook a une mentalité équivalente à celle de la position sur les droits de la femme au XVIIIe siècle. D'accord. XIXe siècle. C'est un peu ça l'idée. C'est bravo. Notre culture, c'est la vôtre. Notre culture, c'est la vôtre. C'est la vôtre. Et tu vois, on a des beaux jingles. Donc juste un petit chiffre pour le début 2011. Donc on est à quasiment 7 milliards d'hommes et de femmes. 6,95. Et donc il y a 5 milliards de possesseurs et de possesseuses de téléphones mobiles, 2 milliards d'internautes, ce qui fait 28,76% de la population. Et à titre d'info, il y a 10 ans, donc on était 400 millions d'internautes. Et moi, ça me met une claque, hein. 5 milliards de possesseurs de téléphones mobiles et je suis même pas dedans, quoi. Voilà. Prends ça. C'est un peu random l'émission des minorités. Joyeux monde de l'infosec. Ouais. Le concours Pawn to Win. Yeah. Alors qu'est-ce que c'est que ce machin ? En fait, c'est un concours qui a lieu. C'est du hack en fait sur les principaux navigateurs. Et aussi les OS des smartphones. Donc dans les navigateurs, il y aura Firefox, Safari, IE9 et pas Opera. Ça m'a surpris, ça. Opera n'est pas présent. Mais ça n'existe pas, Opera. Ah, pardon. Et pour les OS des smartphones, il y aura Windows Phone 9, l'iOS, pour l'iPhone 4, BlackBerry OS 6 et Android 2.3. Alors ça consiste en quoi ? En fait, c'est tous ces logiciels-là qui seront triturés, malaxés, hackés, maltraités. Et en fait, le premier qui arrive à percer des failles et à trouver des failles dedans et à les publier. En fait, il y a des petites primes. Des petites primes, donc... on gagne un Google Android. Bon, ouais, non, mais par exemple, cette année, si tu pètes Chrome, par exemple, 20 000 euros, c'est pas mal. Dollars, hein. Mais... Dollars, pardon. Ouais. Voilà, pour un OS, c'est 15 000 dollars. Donc c'est quand même intéressant, ça permet de motiver les troupes, on va dire. Ouais, enfin, après, bon, faire ça pour l'argent, tout ça, tout ça. Ben non, mais pour ceux qui le font, s'ils peuvent se faire un peu de blé au passage. Ouais. Bon, ouais. Ouais. Voilà, c'est une... Alors, moi, ce qui m'a pas trop plu, c'est qu'il disait que Chrome allait remettre son titre en jeu, parce que l'année dernière, il a pas été cassé. Mais il a pas été cassé parce que personne s'est intéressé à lui, en fait. Donc ça, c'est important de le signaler, quand même. Voilà. Il était vainqueur par forfait. Vainqueur par forfait. Donc, l'édition 2011 aura lieu le 9 et le 11 mars. 9 et 11 mars. Voilà. Ouais. Et ça repart ? Et ça repart. Oh la vache. Bah, c'est une classe. 11 mars ? Ouais, normalement, t'es énervé après. Vous l'avez pas vu venir celle-là, je suis sûr. J'ai tué tout le studio sur cette remarque. N'ayez pas peur, faites-nous confiance. C'est vrai ? Ouais, juste vite fait. Ok. Pour dire. J'ai un jingle là-dessus ? Normalement, t'as un jingle, t'as même un fond sonore après le jingle. Ah oui, c'est vrai. Bougez pas, je vous mets ça. Faites-nous confiance. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Faites-nous confiance. N'ayez pas peur. Faites-nous confiance. N'ayez pas peur, mon petit. Voilà, n'ayez pas peur. Tu peux y aller. Donc, dans les news, donc sur N'ayez pas peur, faites-nous confiance, bah, comme d'habitude, encore un petit amalgame des médias grand public. 20 minutes qui parle d'un hacker de Nintendo, alors que c'est un bête pirate. Bête cracker. C'est un bête bidouilleur qui s'était fait un peu de business, je crois. Je me souviens avoir survolé l'article. Pas envie de payer une fortune pour avoir des jeux. Bah ouais, mais bon, voilà. Et c'était surtout les commentaires qui étaient assez hallucinants. On vous mettra le lien vers l'article dans le résumé, parce qu'en plus on est presque à jour dans nos résumés. Presque. On les a tous publiés cette nuit, là. Il n'en a plus qu'un de retard. Et après, bah, la deuxième news, on en avait parlé au début de l'émission, c'est Steve Ballmer qui est chevalier de la Légion d'honneur. Avec une phrase immanquable de Nicolas Sarkozy qui admire cette entreprise qui comprend les valeurs humanistes de la France. L'entreprise en question, c'est Microsoft, puisque ouais. Ballmer est PDG de Microsoft. C'est énorme. C'est énorme. Donc... Les valeurs humanistes de la France. Et Stallman, lui, par contre, il avait une autre... remarque sur les valeurs humanistes de la France dans sa conférence de la semaine dernière. J'aurais dû le packager, tu vois. Mais... Ouais, non, c'est pas grave. Mais donc, il a dit quoi, Stallman ? Il a dit, on peut résumer les logiciels libres en trois mots, liberté, égalité, fraternité, tout ce que déteste Nicolas Sarkozy. Fin de la citation. De Monsieur Richard Stallman en conférence la semaine dernière à Lille. Et guettez bien les prochaines émissions de l'Écho des Gnous, parce qu'à mon avis... Ouais, il y a du contenu qui a été récupéré, ils ont fait une petite interview sympa. Et il y aura du lourd de ce côté-là dans les prochaines émissions de l'Écho des Gnous, l'émission des casse-coups. Émission préférée des casse-coups. Ouais, ou de Big Bilou. Non, mais là... Tu as déjà fait. Bref, ouais. Voilà. Donc, cette entreprise qui comprend les valeurs humanistes de la France, et ça n'a rien à voir, bien entendu, avec l'internet civilisé du G8. Ouais. Petite dédicace à Moubarak et à ses copains. Et on va passer, je pense, une petite musique. Ouais, petite musique, et puis après, on... On laissera la parole à notre nouveau qu'on va bisuter. Et qui nous parlera... De l'obsolescence programmée. C'est très bien. Merci beaucoup. Restez à l'écoute. Vous êtes sur Radio Campus, en 6.6 FM, tout de suite. J'adore ça. Voilà, donc vous êtes toujours sur Radio Campus 106.6 FM, on est encore ensemble pour un petit quart d'heure. Et là, vous venez d'entendre Bloody Tears, c'est Koopa qui fait ça. Et on vous mettra tous les liens, comme d'habitude. Donc, notre sujet. L'obsolescence programmée. Voilà. Donc c'est mon premier sujet à la radio. J'avais fait un peu de radio avant, mais bon, j'avais pas trop préparé de trucs. Donc aujourd'hui, on va vous parler de l'obsolescence programmée, qui fait écho à un documentaire déjà qu'il y a eu sur Arte. Et il y a pas mal de gens qui en ont parlé, donc les sources seront dispo. Sur le blog. Sur le blog. Donc la définition de l'obsolescence programmée, à mon sens, c'est consiste à fabriquer un produit en prévoyant sa date de désuétude. Et donc les constructeurs ont développé toute une logique et tout un tas de techniques pour forcer le consommateur à renouveler son stock, enfin à renouveler le produit quoi. Donc avant il existait des produits durables qui étaient faits pour durer, l'ancien électroménager ou les trucs en bois ou des trucs comme ça. Maintenant, parce que bon évidemment les trucs en bois ça peut pas être trop obsolète. Et donc il existe différents types d'obsolescence. Donc le premier c'est le défaut de fonctionnement. Le constructeur fait en sorte d'introduire dans l'objet un composant en plastique ou moins résistant qui se brisera plus facilement. Et aussi le fait que le coût de la main d'œuvre, la commande des pièces, l'envoi, la réception coûte souvent plus cher que racheter le même produit ou la version upgradée du produit. Les dates de péremption, alors ça tout le monde connaît, c'est sur les produits alimentaires, cosmétiques. En général, et bien que la plupart sont encore utilisables après la date de péremption, bon, il y en a quand même une assez courte, comme les yaourts, le rouge à lèvres ou des trucs comme ça. L'obsolescence indirecte, qui consiste à ne plus commercialiser les consommables ou les pièces détachées, pour les imprimantes, pour les voitures, pour les téléphones portables, par exemple, où on ne pourra pas avoir d'anciens chargeurs, où on ne pourra pas avoir les pièces d'une voiture, où on ne pourra plus les changer. Ou alors les vieilles machines à écrire avec des rouleaux qu'on peut plus adapter. Et donc cette technique force l'utilisateur à changer son matériel pour rester dans la course. Et donc ça s'applique aussi à l'informatique et généralement au multimédia, à la téléphonie, enfin tout ce qui est un petit peu high-tech. L'obsolescence par notification. Là c'est quand une imprimante vous dit que sa cartouche est presque vide alors que généralement elle l'est pas, ou alors les filtres pour carafe filtrante ou les logiciels gratuits pour une durée limitée. Et puis il y a aussi l'obsolescence par incompatibilité. C'est principalement dans le secteur de l'informatique. C'est une technique qui rend à rendre inutile un produit par le fait qu'il y a d'autres versions et que les versions ultérieures ne sont plus utilisables, les changements de format ou de standard. Comme par exemple une suite bureautique de renommée mondiale. Oui. Non mais c'est pas vrai, parce que Steve Ballmer, cette entreprise comprend les valeurs humanistes de la France. Attention. Très fort. Il y a l'obsolescence esthétique également. On peut citer, mais ça, tout le monde la connaît. Ça, c'est DB. Je la sentais venir. Alors, celle-là, c'est très méchant. L'obsolescence esthétique, souvent sur tout ce qui est la mode ou tout ce qui est une voiture qui fonctionne encore, mais on n'aime plus trop sa tête, alors on la change. Et donc, il existe pas mal aussi d'exemples. Il existe pas mal d'exemples que j'ai trouvés. Notamment une ampoule électrique qui brille depuis 1901, donc elle brille encore, alors qu'aujourd'hui la durée de vie a été harmonisée et maintenue par les industriels à 1000 heures. Oui, c'est ce qui est expliqué en grand détail en fait dans le reportage qui est passé sur Arte la semaine dernière sur l'obsolescence programmée, où en fait dans une caserne de pompiers aux États-Unis il y a une ampoule qui a été fabriquée à la fin du 19e siècle. En 1901. Elle a été fabriquée avant, mais elle est en service depuis 1901. Ouais. Il me semble. Et en fait, depuis 1901, l'ampoule tourne. Et en fait, c'est genre assez hallucinant. Il y a deux webcams. Alors, elle est claire, elle ne tourne pas. Mais il y a deux webcams qui ont passé l'arme à gauche alors qu'elle est toujours en train de briller. Parce qu'en fait, il y a des webcams, on a mis en place des webcams pour filmer en fait l'ampoule, pour vérifier qu'elle fonctionne toujours 24h sur 24. Et l'ampoule a enterré deux webcams en quelques années. Quoi. Et pas mal de gens aussi. Et pas mal de gens aussi. Ils ont fêté un anniversaire des 100 ans de l'ampoule qui fonctionne encore. Mmh. Et bon, voilà quoi. Ça s'applique aussi au secteur de l'automobile où il y a eu une époque où on fabriquait des voitures pour qu'elles soient durables. Aujourd'hui, les voitures sont fabriquées principalement parce que on change de série parce qu'on a rajouté une option ou juste on change de couleur. Il y a des trucs de consommation mondiale comme par exemple le banylon qui est plus aussi résistant qu'avant. Les batteries de l'iPod, première, deuxième et troisième génération, qui ont été prévues pour durer 18 mois. Les imprimantes, également, qui ont une puce qui contient un compteur qui bloque la pression au-delà d'un contenu. Enfin, d'un certain nombre de feuilles. Dans un sujet un peu plus hype, on pourrait peut-être aussi parler des étuis qui sont en train d'être commercialisés pour mettre autour des paquets de clopes, en fait, pour pas voir les images affreuses qu'il y a sur les paquets de clopes. Et où, en fait, la durée de vie de ces petits étuis, en fait, on aurait pu les faire en plastique et ça aurait pu durer, quelques années. Et là, finalement, en fait, ça a été étudié pour être vendu 50 centimes tous les mois, en fait. Donc, c'est une durée de vie d'un mois et c'est un truc en carton qui s'use au bout d'un mois. Attends, l'utilité d'un étui au-dessus du paquet de clopes ? C'est juste pour pas voir les images affreuses. Genre Alain Delon tue. Parce qu'il existe des clopes Alain Delon, c'est trop classe. C'est la soirée des blagues. Ouais, Random, là, c'est pas une blague. L'émission aléatoire, tu sais. Donc c'est tout. Bah, c'est tout. J'ai peut-être parlé un peu vite, je ne sais pas. Non, pas du tout. Mais en fait, c'est surtout que y a eu un documentaire qui a déclenché pas mal de réactions en fait, notamment du côté des listes de diffusion des hackerspace français. Et c'est un documentaire vachement bien foutu sur l'explication de tout ça. Tu parlais en fait des ampoules. En fait, l'ampoule à incandescence, c'est vraiment le premier objet qui a été prévu, conçu, pour pas durer en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'à la base, les ingénieurs des entreprises qui fabriquaient des ampoules faisaient des ampoules qui étaient garanties sur des durées du genre 2500 heures de fonctionnement. Bah là, limite éternelle hein, quand même, parce que l'ampoule, elle a plus de 100 ans. Ouais, d'accord, mais c'est une ampoule. Ouais, mais enfin, je veux dire, s'il y en a une qui a été fabriquée à cette époque qui tourne encore, c'est-à-dire que toutes celles qui avaient été fabriquées à l'époque... avaient une très très grande durée de vie. Si elles n'ont pas été pétées ou jetées ou n'importe, elles tourneraient encore. Elles tourneraient encore. Clairement. Et là, en fait, donc, il y a eu une organisation dans les années 20, il me semble, qui a consisté à une entente entre tous les grands fabricants d'ampoules à incandescence pour faire des ampoules qui ne duraient plus que 1000 heures. Et c'est devenu la norme. Les ampoules à incandescence durent 1000 heures. Et Y avait même des amendes qui étaient attribuées aux entreprises dont les ampoules en fait duraient plus longtemps. Ouais. C'était jusque là quoi. C'était la pénalité pour trop de performance. Voilà. Mais là aujourd'hui, on peut constater quand même un petit changement dans les entreprises qui fabriquent des ampoules à LED maintenant. Ouais. Des ampoules à LED qui sont faites pour durer, a priori. Mais encore une fois, c'est parce qu'il y a un changement de mentalité sur la question de l'environnement, d'essayer de faire des choses qui soient durables, économiques, et puis également sur la progression aussi de la réflexion sur la décroissance. Et puis il faut surtout voir que les gens à l'époque, ils n'avaient pas la même notion de ressources que nous maintenant. Bah non, forcément. C'est-à-dire que nous, maintenant, on sait que nos ressources, elles sont complètement limitées et qu'on a un nombre limité d'options, alors qu'à l'époque, tout était possible. Ouais. Enfin, tout était possible. Les gens tout voyaient, a été rendu possible dans l'esprit des gens, surtout. Oui, voilà, dans la conscience collective, il n'y avait pas de notion de limite de ressources. On était sur une planète inépuisable et donc on pouvait y aller, quoi. Pour terminer sur une note positive, en fait, c'est pas une fatalité. Le mouvement hacker nous apprend qu'on peut venir on peut venir modifier les trucs qu'on a entre les mains, réussir à les réparer, par exemple un écran bêtement où en fait c'est une résistance qui a grillé et pouf, l'écran plat ou l'écran cathodique il remarche et c'est reparti pour quelques années. L'imprimante où il y a juste à remettre à zéro un registre dans une EPROM, ou pour une voiture ou une machine, juste à peut-être essayer de réinventer de nouvelles pièces si elles n'existent plus, mais souvent c'est réparable. Donc en fait c'est ça, c'est, ils expliquaient un petit peu par exemple qu'en Afrique, où arrivent les déchets considérés comme inutilisables en Europe, et ben en fait, notamment les déchets informatiques, ils sont retraités en Afrique et réutilisés, en fait. Parce que la société de la croissance infinie et de l'obsolescence programmée, bah, c'est aussi et surtout la société du gaspillage, tout bêtement. Mais par rapport à l'Afrique, il y a un effet pervers, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés en fait, qui envoient du matériel officiellement pour être recyclé en Afrique, oui. Recyclé en tant que matériel, c'est-à-dire un ordinateur qui marche pas très bien, et ben voilà, on va échanger la carte, il va remarcher. Or, il y en a beaucoup qui envoient une minorité de leur matériel qui peut être encore réutilisé, mais la majorité ne sert vraiment plus à rien. Donc, ce qui fait qu'ils arrivent en Afrique et ils peuvent rien en faire. Bah non. Et voilà, ça finit dans les déchets. Parce que voilà, il n'y a pas de notion de gestion des déchets. Et puis voilà. Donc, c'est un reportage qui est vraiment extrêmement intéressant. Alors, il est disponible sur YouTube et il est disponible sur différentes plateformes. Et on a vu des liens tourner sur un certain nombre de listes de diffusion. On vous mettra le maximum de toute façon pour que vous puissiez essayer de le voir, mais vraiment voyez-le, c'est assez éclairant. Et puis justement en fait on voit un petit peu l'utilité sociale du mouvement hacker finalement là-dessus. Ouais. Je pense d'ailleurs que dans le futur à Lille il y aura des rendez-vous réguliers sur la réparation des d'électroménagers. De matériel divers et varié et des moments de réflexion sur comment lutter contre l'obsolescence programmée. Donc l'Ozilab peut-être ? Ouais. Ok. D'accord. Sinon dans un futur un peu plus proche, un petit agenda ? Un petit agenda vite fait, enfin un gros agenda. Un gros agenda. Donc ça commence jeudi, on parlait de l'Ozilab, il y a le Hacker Bar à l'Ozilab. Bon, c'est le nouveau nom de... Des Acapero qui changent de nom toutes les semaines ? Voilà. On est plutôt parti au dernier Hacker Bar sur ce nom là donc du coup ça va rester. Bon, on passera sur les jeux de mots possibles qui ont déjà été tous faits. Hacker Bar Amine, Hacker Bar de Fer, on a dit qu'on passait dessus, donc voilà. C'est suivi Hacker Barracuda. C'est suivi le vendredi 4 mars, ça va pas être possible. C'est suivi le vendredi 4 mars par le meeting 2600, à Lille, rendez-vous devant le Furet, donc sur la Grand Place, donc à 19h30. Et toutes les infos sont sur www.2600lille.org. Voilà. Donc c'est suivi donc le samedi 5 dans l'après-midi par un atelier potager à l'Ozilab, donc pour venir reprendre un peu le contrôle de ce que voulait faire pousser, donner un coup de main pour mettre en place le potager. Donc voilà. Le dimanche qui suit, vous allez retrouver l'écho des gnous numéro 11. Donc voilà. Sur Radio Campus 106,6. Le même jour, à 10h du matin, donc ce sera aux Halles de Oisem, au niveau des Halles de Oisem, il y aura une action du collectif Antilopsy. Ce sera une action du collectif Antilopsy Lille. Ce sera une action porteur de parole, c'est-à-dire que des gens viendront mettre des affiches et puis discuter, créer de la discussion, créer un espace de discussion et d'expression et de débat dans la rue entre les gens. Non ? La discussion, pas du débat, d'accord. Et ce sera parmi les thèmes envisagés, on pourra par exemple parler de sécurité et de RFID par exemple. Le vendredi 11 mars 2011, il y aura le FRNOG numéro 17, ce sera à l'Institut Océanographique de Paris. Je vous donne pas l'adresse parce que de toute façon, toutes les places sont réservées, vous pouvez plus y aller. Mais il y aura une conférence qui a priori devrait être intéressante, animée par l'association FDN, donc qui parlera du kill switch égyptien, donc la fameuse coupure internet globale sur 4 jours en Égypte. Dimanche 13 mars 2011, ce sera Random 35, donc dans 15 jours. Vendredi 18 mars 2011, de 23h à 4h du matin, il y aura la soirée électro animée. Donc, ça sera un carnaval électro 8 bits au Tripostal, dans le cadre de la fête de l'animation 2011. Allez-y, ce sera bien. Jeudi 7 avril 2011, il y aura l'apéro bidouille à l'hybride, au 18 rue Gosselet à Lille. Et c'est l'heure de se quitter. Donc, on va y aller. Bonne soirée à vous. À dans 15 jours. À dans 15 jours. Bon dimanche, dans 15 jours. Ciao.